atmosphérique. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans On The Rocks. Comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Rediffusion sur Studio Zef à Blois. Et puis sur OnTheRocks.net évidemment. Je ne suis pas seul ce soir puisque j'ai la grande joie vraiment de retrouver quelqu'un qui est assez régulier, c'est une sorte de métronome, c'est-à-dire que là il se rapproche de plus en plus du printemps, il devient de plus en plus printanier parce que d'habitude il vient entre le 15 novembre et le 30 novembre et là on est déjà en décembre, donc c'est pour vous dire comment il va vers le printemps et vers la joie. Bonsoir Mathias Ten. Bonsoir Manu. Bon, alors ça fait bien longtemps que tu n'avais pas posé ta guitare et tes accords à mes micros. Exactement. Et tes morceaux, puisque tu as porté des morceaux aussi sur CD, et ça me fait un plaisir intense de te revoir. Alors voilà, je ne flagorne pas, puisque je le dis aussi quand il n'est pas là. Merci. Mais voilà, il y a des gens, bah, on écoute un peu ce qu'ils font, le dernier disque, tout ça, voilà, on pose l'oreille. Là, je sais même pas. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques morceaux nouveaux, que tu m'as que, hein, quand même. Il n'y a pas d'album. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est, on va en parler, c'est peut-être en train. Mais voilà, quand. Mathias Ten, ça me suffit, moi. Voilà. Et j'ai confiance. Je fonce tête baissée. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Mathias, je vous envie parce que, voilà, un artiste, on ne peut plus singulier et on ne peut plus talentueux. Alors, je vais arrêter de flagorner, parce que t'es là, c'est un peu gênant, mais bon, je le dis tout le temps, donc j'arrête pas de le dire. Donc, voilà, ça me fait un grand plaisir et, alors, on va voir s'il continue à creuser son même sillon de musique folk un peu comme ça, un petit peu aérien et un petit peu qui casse les codes, ou si il est passé au, je sais pas, au couplet-refrain, petit pont couplet-refrain, ça m'étonnerait, ou au Zouklov, je sais pas. Surprise. On va peut-être avoir des surprises ce soir. Donc, grande soirée en perspective ce soir avec Mathias Ten. On va commencer par le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est une artiste que j'ai découvert en première partie du concert de G.S. Andara, lorsqu'il est passé à l'Astrolabe. Alors, je sais pas si tu connais G.S. Andara. J'ai vu le... Je connais pas, non. Mais je vois qui c'est. Ouais, ça vaut le coup, hein, d'aller voir en concert. Il s'est passé quelque chose à l'Astrolabe qui arrive rarement. C'est-à-dire qu'il est rentré sur scène avec son grand chapeau, son petit costume et sa grosse guitare, qui n'est pas plus grosse que ça, mais je pense que lui, il est tout petit. Et de façon humble, comme ça. Alors, c'était dans la grande salle, mais le bar était ouvert à côté, donc ça parlait beaucoup, ça causait, il y avait du bruit. Et il a commencé à chanter a cappella, et il y a eu un silence total qui s'est fait en 5 secondes, à la fois dans la grande salle et dans le bar. Et ça, quand même, c'est pas souvent. Donc, il a un peu scotché tout le monde. Et en première partie, il y avait une chanteuse qui vient de Montreuil. C'est assez bizarre, d'ailleurs, quand on va entendre ce qu'elle nous propose, qui s'appelle Bobby, B-O-B-I-E, jeune demoiselle, qui, moi, m'a scotché. Alors, c'est pas de l'underground un peu obscur, glauque et dark. C'est vraiment de la folk à la John Baez. Hyper lumineuse, hyper américaine. Alors je sais pas quel âge a Bobby, ça se demande pas ça, mais elle fait très jeune. Et lorsqu'elle parle entre les morceaux, elle fait un petit peu timide comme ça, un peu voilà. Et dès qu'elle commence à chanter, il y a une sorte de maîtrise incroyable avec une voix. Alors si vous n'aimez pas la folk des grands espaces et là pour le coup assez classique, vous allez peut-être vous ennuyer. Mais alors moi, j'ai été totalement séduit par sa musique et par sa voix et cette maîtrise. C'est pas un extrait de son EP qui vient de sortir qu'on va se passer. On se diffusera le EP dans les semaines à venir. C'est une reprise qu'elle a fait d'un morceau, je ne vous dis pas lequel, vous allez reconnaître. Mathias Stein a déjà la main sur le buzzer pour trouver quel est ce morceau. C'est le coup de cœur ce soir, enchaîné avec quelqu'un qui sera à la place de Mathias dans 15 jours, ici même. C'est Adam Wood qui me fera également le plaisir de revenir ici. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu lui non plus et pas écouté non plus. Donc ça, là, c'est une bonne période là. Hop, un Mathias Stein, un Adam Wood, c'est bon. Ça, on peut finir 2019, c'est très bien. Voici Bobby, tu me diras ce que t'en penseras. Et je ne vous dis pas le morceau, vous allez reconnaître de par vous-même. Vous êtes dans The Rock, c'est le coup de cœur ce soir. Deep down Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods, among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode. Never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like ringing a bell. Go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, be good. His mother told him, someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in light, saying, Johnny, be good tonight. Struggle, and no one can get me out. until your teeth sharp and shining. Wolf, let me kill you with my true silver low. I can hear the rumble, the coming of Sandor's toll. My love is a castle, and nothing can be destroyed by the wind. Tiré du dernier EP de Adam Wood qui s'appelle Hello Again, c'était Werewolf, c'est le morceau qui clôt ce EP. Juste avant, c'était Bobby avec, vous aviez reconnu, je pense, Johnny B. Goode dans une reprise assez singulière. Qu'en as-tu pensé? Très belle voix. Très belle voix. Oui, très, très Johnny Mitchellienne. Oui, Johnny Mitchellienne, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je disais John Baez, mais John Baez parfois m'agace un peu avec. Je sais pas pourquoi. John Baez. Ça dépend des disques. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est un côté très. Un peu très mollo, un peu. Ouais. Voilà. Et oui, Johnny Mitchell plutôt. Oui. Bon choix. Bonne idée. Et puis, donc Adam Wood, que vous retrouverez dans ses studios et à cette même place où est assis Mathias Stein ici ce soir. Ce sera dans 15 jours. Alors Mathias Stein, pour ceux qui connaissent bien On The Rocks et qui suivent l'émission depuis longtemps, bah vous le connaissez, puisque j'en diffuse souvent. Il y a les émissions spéciales où il était venu également jouer, qui sont encore sur le site ontherocks.net. Mais si vous ne le connaissez pas, alors comment vous le faire connaître? Comment vous le décrire? Mathias Stein prend son temps. Mathias Stein prend son temps entre deux morceaux, parfois entre deux notes. Et c'est bien, parce qu'on attend la suivante. On se dit, mais qu'est-ce qui va nous sortir à la suivante? On est rarement déçus. Mathias Stein, il faut le voir sur scène aussi, parce que c'est d'une intensité rare. Et voilà, j'ai l'impression que tu es un artiste qui intègre. Ça, on peut le dire. Ça, je crois que c'est sûr. Et puis, avec une certaine exigence de ce que tu fais. Et pourtant, ça paraît assez limpide, quoi, quand on va te voir en concert. Moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était à l'Astrolabe, où tu faisais la première partie de je ne sais plus qui. Peut-être toi tu t'en souviens. Même pas. Andy Schauf peut-être. Ah oui, c'est ça, Andy Schauf. Ouais. Oui. J'avais été assez déçu par le concert, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Mais pas par le tien, au contraire. La première partie avait mangé la deuxième. Et voilà, il s'est passé quelques semaines, quelques mois avant d'avoir des nouvelles. Et puis voilà, tu es là ce soir, avec peut-être des choses à nous faire entendre de ton prochain album, peut-être des choses à nous raconter. Mais d'abord, on va monter dans une machine à remonter le temps. Je vais te faire écouter quelque chose. Et tu vas me dire ce que ça t'évoque, ce que ça te procure comme émotion ou comme... Bon, tu vas me dire. Mais en même temps, je pense que je vais le voir à ta tête, peut-être. C'est parti. To object. Oppose, to struggle, to stand up for, to confront, to insist, to protest, to resist, to react against, to stand fast, to push back, to stand up to revolt, to fight for, to contest, about refusing. To let do and wait, about refusing to accept the unacceptable. To object, to oppose, to struggle, to stand up. Protest, to resist, to react against, to stand fast, to push back, to stand up to revolt, to fight for, to contest, about refusing, refuse, Ce morceau, vous l'avez peut-être compris, ne s'appelle pas Cui Cui, mais s'appelle Inacceptable. C'était Mathias Ten. J'ai tenu à laisser jusqu'au bout parce que ça fait partie entière de ce morceau. C'était il y a 10 ans. C'était sur le premier disque que j'avais beaucoup diffusé aussi, lui aussi, à l'époque, dans On The Rocks. La première question, c'est toi, c'est bien toi, on est bien d'accord, ce qu'on vient d'entendre. Et est-ce que tu réécoutes tes anciens morceaux? Quasiment jamais, mais il peut m'arriver d'avoir une espèce d'envie de redécouvrir, voilà. Et donc je les écoute. C'est dans des périodes un peu particulières, mais je peux les réécouter. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté. Donc c'est raté. Je pensais que tu l'avais pas écouté depuis très longtemps. Les trois disques pas entiers, mais et c'est très curieux parce que sentiment d'étrangeté un peu. Oui, complètement. Ouais. Surtout avec Avaré. Ouais. Ouais. Ouais. Le premier, c'est l'album hein, dont on parle, premier album. Oui. Un morceau éhontément efficace, celui-là. Ouais. C'est un classicisme crasse. Mais ouais, très bel album, mais très très très bon morceau. Et quand tu réécoutes comme ça tes trois albums précédents, est-ce que tu mesures le chemin artistique parcouru? Je vois l'évolution dans le jeu, dans la façon de chanter, l'éloignement aussi, parce que Avaré c'était quand même un premier disque très empreint d'un passé dans le milieu, dans le monde du punk hardcore. Donc ouais. On sent, surtout dans celui-là, de morceaux. Ça gratouille nerveux, quoi. Voilà. Donc il y avait encore, ça qui petit à petit s'est estompé. Et continue de s'estomper d'une certaine façon, bien que ça se transforme parce que cette énergie qu'il y a dans le punk hardcore. Un déplacement d'énergie, quoi. Oui, c'est ça. C'est une concentration, rediffusion plus ponctuelle, par endroit. Je sais pas comment. Peut-être du côté de l'auditeur, hein, c'est peut-être une bêtise, des fois l'auditeur se trompe, mais j'ai l'impression que cette énergie, chez toi, est plus maintenant contenue dans la retenue que dans l'explosion. C'est-à-dire que tes retenues sont très... Il n'y a pas beaucoup de mouches qui volent, quoi. Il y a certains moments dans tes morceaux, on sent que c'est tendu. Mais c'est très efficace. Écoutant peu mes disques, une fois qu'ils sont sortis, je les écoute peu. Ouais. Quand je les fais, effectivement, je les écoute des tonnes de fois, parce que les morceaux... Trop même? Non, c'est pas une fois qu'ils sont faits, mais la période d'enregistrement, tu écoutes les morceaux un tas de fois pour savoir si c'est bon que tu gardes, si t'as fait plusieurs prises, puis même si t'en as fait qu'une, faut valider ça. Ouais. Mais après, une fois que le disque est sorti, je l'écoute plus. Et donc je suis plus souvent en train de jouer ma musique que de l'écouter, même si quand je la joue, évidemment je l'écoute, mais je la ressens aussi beaucoup plus. Et un morceau me plaît surtout quand il me fait quelque chose, quoi, à moi. Et après, s'il fait quelque chose aux auditeurs et auditrices, c'est tant mieux, c'est qu'il y a un flux qui passe. Alors moi je t'avais avoué à ce même micro, et je le redis, j'ai rarement vécu ça à l'écoute d'un morceau, ça m'est arrivé quand même, hein, mais c'est quand même assez rare à l'écoute du premier morceau qui ouvre le dernier album en date, l'album Snow, s'appelle Flama, Snow, je me souviens d'une impression de lévitation totale sur mon canapé et d'être pris d'une émotion certaine. J'ai beaucoup aimé le reste de l'album, et le reste de l'album m'a enchanté, mais j'étais dans le contrôle. Là, j'avais complètement perdu le contrôle, ce qui m'arrive quand même rarement. Est-ce que toi, en jouant tes morceaux, est-ce qu'il t'arrive parfois de ressentir ça? C'est-à-dire d'être... Tu sens que ça t'échappe un peu, quoi? Ça m'arrive, oui. Ouais, ouais. Ça m'arrive de... J'espère que ça m'arrive. Tu recherches? Parce que c'est ce que je cherche. Ouais. Enfin, pas la lévitation concrète, mais... À nos âges, j'ai bu la peine. Mais ce qui me plaît dans la musique, c'est que ça me... C'est... c'est ce que je vais y chercher, je sais pas où, et c'est ce que ça me... C'est l'état dans lequel ça me met, voilà. Tu peux te surprendre, toi-même. Ça commence fort, hein. Oui, non. Me surprendre, ouais. Je peux être surpris par ce que ça provoque. Oui. Voilà. Mais c'est pas une surprise où je vais me dire qu'est-ce qui m'arrive, c'est une surprise où... Parce que c'est que... Ce que ça provoque, je le connais maintenant assez bien. Mais c'est ce qui me, c'est une des choses que je cherche dans une composition. Quand je compose, faut pas que tout le morceau soit comme ça, mais un morceau qui va m'aimanter particulièrement va avoir ça. Il va avoir cette pouvoir. C'est pas, ça, pouvoir. Ça va chercher des choses en moi que je ne vais pas quotidiennement chercher. Voilà. Bon, et ni, est-ce que c'est... ni en écoutant de la musique, c'est vraiment par le fait de jouer. Le fait de jouer. C'est ce que j'allais te demander. En écoutant d'autres artistes, parce que t'as porté des CD, on va se passer deux morceaux maintenant de ton choix. Ça t'arrive pas forcément quand t'écoutes d'autres artistes. Cette sensation-là. Non. C'est très rare. Ça. Je sais pas, j'essaye de me souvenir. J'ai peut-être eu des choses comme ça quand j'ai découvert, Minor Threat, par exemple. Il y a un petit bail maintenant. Cette espèce de force qu'il y avait dans la musique, et ça, c'était un des effets plaisants et peut-être dangereux de la musique. C'est qu'on est plus. Alors encore une fois, ce soir, on va essayer un peu de comprendre d'où vient cette musique, parce qu'autant Bobby qu'on s'est passé tout à l'heure, par exemple en ouverture, qui était un coup de cœur, moi je suis enchanté par ce qu'elle fait, et en même temps c'est très, on peut mettre même une punaise sur une carte du monde, c'est très facile à situer. Moi, ce qui me plaît aussi dans ce que tu fais, c'est que la punaise, ben on sait pas où on se la met, si je peux me permettre cette phrase. Voilà, c'est on sent évidemment, voilà, on sent que t'es un passé punk hardcore, évidemment, dans cette tension. On sent que, la folk music n'est pas totalement étranger à ce que tu fais, mais géographiquement, historiquement, ça ressemble à rien. Et pour moi, c'est un compliment, ce que je viens de dire. Ça ressemble à rien. Donc, c'est un compliment un peu étrange, hein, quand même. On va peut-être essayer ce soir avec les CD que tu nous as amenés de mettre quelques petits indices dans ce mystère qu'est Mathias Tène. On va commencer avec deux morceaux. Le premier, c'est Lead Belly. Donc, c'est une nouveauté, hein, ça vient de sortir. Ami de Skyrock. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi. Pourquoi écoute, je sais pas. C'est venu tardivement ma séduction par le blues. La racine, enfin une racine plus proche de la surface que les racines plus profondes encore du blues, mais en tout cas là on est dans le début du 20e, donc on est dans le dur là. Et puis on est dans les premiers enregistrements de blues dans les années 20-30, mais il faut remonter bien 40 ans facile en arrière pour vraiment les racines du blues lui-même. Mais le blues ensuite est à la racine d'une grande partie de la musique pop, rock, rock'n'roll. Tout ce qui s'est développé par la suite, finalement, si tu cherches la source, elle est là. Et, peu d'accord. Et comme tu as pu te rendre compte, j'aime bien quand c'est assez brut. Oui. Hein, qu'il n'y a pas trop de fioritures et des tonnes d'instruments, et même si je peux aimer les orchestres éventuellement, mais j'ai bien que la musique me fasse quelque chose, et elle me fait quelque chose quand elle était quand même assez simple dans la couche instrumentale. Et bien que Godspeed Your Black Emperor, il y a du monde et ça peut l'éviter, c'est très très fort. Mais dans le blues, alors Lead Belly, toi, j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Hein, Skip James, un peu plus ancien. J'allais te demander Skip James. Et j'aime bien quand il y a une voix très particulière, qui est pas nécessairement une voix. C'est pas nécessairement ce qu'on appellerait une belle voix, mais il faut que dans la voix, Il y a quelque chose qui m'attrape, tu vois. Comme un Tom Waits, comme un Tom Waits qui a énormément écouté Leap Daily, et puis Howling Wolf, et puis tout un tas de... Donc j'aime pas tous les bluesmen des années 20 du siècle précédent, quoique les années 20 approchent, c'est le siècle suivant, mais les autres, il y a un siècle finalement. Ça fait peur un peu, non? Quand on le dit. Mais voilà, après les paroles, surtout chez certains comme, comment il s'appelle, Blind Willie Johnson par exemple. Blind Willie Johnson, c'est un de ces multiples aveugles qui faisait du blues dans la rue et qui chantait, je ne sais pas si c'était sa femme. Donc il y a toujours un chœur comme ça derrière. Donc c'est très, c'est God quoi. Dieu, mais la musique est magnifique, très très fort. Et donc Lead Belly, là, on est dans le morceau que j'ai choisi, on est dans un... Il est avec le... Oh, j'ai oublié le nom, Golden Gate, Jubilee Quartet. C'est ça. Et bon, Lead Belly, il a une vie assez particulière. Il a été plusieurs fois emprisonné, et il a été repéré par le producteur Alan Max alors qu'il était en train de... Enfin, ça c'est la légende, peut-être qu'il a été, en tout cas, il a été appelé par Alan Max, la légende, alors qu'il était en train de travailler comme prisonnier dans les Chain Gangs. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, le morceau qu'on va entendre, on sent ces worker songs là, prisoner songs. Voilà, si on veut essayer de trouver un aspect positif à tout ça, c'est il y a le sens du rythme. Vous n'avez pas le choix. Il y a le sens du rythme. Voilà. Et puis, juste derrière, Glory Tellers. Alors ça, je ne connais pas. Glory Tellers, alors... Donc j'aime bien quand je ne connais pas. Eh bien, écoute, j'ai dû déjà t'amener du karaté. Oui, je me souviens. Et du Jeff Farina. Donc Jeff Farina est un des fondateurs de karaté. D'accord. Et karaté a pris fin il y a quand même pas mal de temps, une quinzaine d'années. Et il a formé ensuite Glory Tellers, qui n'existe plus. Et là, c'est leur deuxième album, un morceau de leur deuxième album. J'écoute peu, mais je tiens beaucoup à Jeff Farina et à sa musique, qui a une importance dans les diverses empreintes. On va dire que c'est un musicien que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute plus, à vrai dire. J'ai amené le disque parce que c'est jamais évident, une sélection comme ça. Tu l'écoutes ici, en fait. Voilà, je l'écoute quand je viens. Parce que... C'est infusé, quoi. Enfin, on en parlera peut-être après, mais dans les diverses influences, on a beaucoup de choses sans guitare, désormais. Ah. Voilà. Avec des instruments venus d'ailleurs et des chants étranges, mais que j'ai pas amené. Je me suis dit qu'on était sur On The Rocks. Ah, mais ça aurait pu. Si, tout est possible. La prochaine fois, t'emmènes les chants étranges. Ça va. Là, t'as apporté ta guitare, quand même. Oui. T'as été... J'aime les magasins aussi. Vraiment. Ah, c'est bien ça. Bon, eh ben, ça sera pour juste après dans On The Rocks. Pour l'instant, Lead Belly donc avec. Alors c'est Green Goose. Grey Goose. Grey. Grey Goose. C'est du grey. C'est parti, c'est dans On The Rocks. C'est un choix de Mathias Ten que j'ai l'honneur, la joie et l'avantage de recevoir ce soir dans On The Rocks. One sunny morning, Lord, Lord, Lord, the preacher went a-hunting, Lord, Lord, Lord, he carried along a shotgun, Lord, Lord, Lord, and along come a grey goose, Lord, Lord, Lord, the gun went all boom, Lord, Lord, Lord, and down come the grey goose, Lord, Lord, Lord, he was 6 weeks a-falling, Lord, Lord, Lord, he was 6 weeks a-falling. Oh, Lord, Lord, Lord. Then my wife and your wife. Ooh, Lord, Lord, Lord. They give a feather picking. Ooh, Lord, Lord, Lord. It was 6 weeks of picking. Ooh, Lord, Lord, Lord. And they put him on a pebble. Ooh, Lord, Lord, Lord. It was 6 weeks of boiling. Ooh, Lord, Lord, Lord. Then they put him on a table. Ooh, Lord, Lord, Lord. And the fork wouldn't stick in. Lord, Lord, Lord. And then I wouldn't cut it. Ooh, Lord, Lord, Lord. Oh, then I wouldn't cut it. Ooh, Lord, Lord, Lord. Oh, then I wouldn't cut it. Lord, Lord, Lord. And they threw him in the hog pen. Ooh, Lord, Lord, Lord. Oh, the hog couldn't eat. Ooh, Lord, Lord, Lord. Oh, they broke the hog's teeth. Ooh, Lord, Lord, Lord. Yeah, they broke the hog's teeth. Ooh, Lord, Lord. And they'd taken him to the sawmill. Oh, Lord, Lord, Lord. And the saw wouldn't cut him. Oh, Lord, Lord, Lord. Oh, they broke the saw's teeth. Oh, Lord, Lord, Lord. They broke the saw's teeth. Oh, Lord, Lord, Lord. And the last time I seen him. Oh, Lord, Lord, Lord. Oh, the last time I seen him. Oh, Lord, Lord, Lord. He was flying across the ocean. Oh, Lord, Lord, Lord. He was flying across the ocean. Lord, Lord, with a long string of gold. Lord, Lord, Lord. With a long string of gold. Lord, Lord, Lord. And they're all going quack, quack. Lord, Lord, Lord. And they're all going quack, quack. Lord, Lord, Lord. He broke the hog's teeth out. Lord, Lord, Lord. He broke the hog's teeth out. Lord, Lord, Lord. And they're taking him to the sawmill. Lord, Lord, Lord. And the saw wouldn't cut him. Lord, Lord, Lord. Oh, the saw wouldn't cut him. Lord, Lord, Lord. Lord, broke his saw teeth out. Lord, Lord, Lord. And the last time I seen him. Lord, Lord, Lord. He was flying across the ocean. Lord, Lord, Lord. He was flying across the ocean. Lord, Lord, Lord. With a long string of gold. Lord, Lord, Lord. And they're all going quack, quack. Lord, Lord, Lord. Invisible you breach from some hidden beach. Don't say you love my smile when you come only to beguile your shallow grimy lies. Intention in your eyes. Go there, corsair. Filch more fortune than you can bear, more than you can bear. Black heart, white mare, veil your portion with a prayer, buried with a prayer. Jetsam floats ashore and beckons fear and force. Shallow grave for your brand and shield. 400 years, what your colors yield. Quartet of flame and foil. Extinguish now in tide pools. Countdown, showdown, shots roll. Sinful sound, unholy sound. Earth torn, flames born, flotsam scores the eastern shore. Those briny Oui, c'est assez limpide ça. Et qu'est-ce qui devient alors maintenant que les Glory Tellers n'existent plus? Je suis un peu moins ce qu'il fait. Il joue beaucoup en solo. Il est sur Chicago. Il joue beaucoup localement en fait. D'accord. Beaucoup. Puis il tourne un peu. Je crois qu'il est en Italie en ce moment. Tu l'as déjà vu sur scène? Ben, j'ai joué en première partie des Glory Tellers en 2009. Voilà. Il y a 10 ans. D'accord. Et j'avais vu quelques années auparavant, j'avais rencontré Karaté. Et puis Geoff Farina, je l'ai fait venir avec l'aide de Gérard à l'époque où il travaillait à l'atelier. À l'atelier. Donc il était venu à l'atelier, Geoff Farina. D'accord. Jouer en solo. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Mathias Sten, c'était un choix de Mathias Sten, là, maintenant, dans The Rocks. Et puis voilà, où en es-tu, musicalement ? Depuis la dernière fois que tu es venu ici, donc moi j'étais resté évidemment à ton dernier album en date qu'on peut toujours trouver, qui est trouvable toujours. Toujours à la qui s'appelle temps moderne. Flama, au temps moderne à Orléans. Toujours. Et ou auprès de. Ou en m'écrivant un mot, à mon adresse email, je peux toujours. Ouais, par ton site. Et donc, où en es-tu? Est-ce que ça a beaucoup bougé depuis? Alors on va en avoir un aperçu, je pense, ce soir à la guitare. Est-ce qu'il y a eu des périodes de doute, des périodes de sécheresse? Des périodes de doute, il y a eu des périodes creuses. De rien. Creuses, mais pas problématiques du tout. Voilà. Mm. Parce que j'ai connu des périodes creuses, très problématiques, très frustrantes. Là, c'était, voilà, il y a eu 6-7 mois sans. Sans musique? Si, avec de la musique, mais sans composition qui sortait, qui se détachait de ce que je jouais. Je compose régulièrement, tu vois, parce que ma façon de composer, c'est toujours une forme d'improvisation. Ça part toujours d'une improvisation. Je ne m'assieds pas en me disant je vais composer un morceau. Voilà, ça prend forme. Je ne sais pas si quelqu'un d'ailleurs fait ça, mais si, bien sûr. Mais je bœuf avec moi-même et il en sort quelque chose ou pas. Et quand il en sort quelque chose, ben je le creuse un peu plus. Et puis. Et donc, là, 7 mois de musique sans. Il y a 7 mois, j'ai dû composer 2-3 morceaux, puis ensuite, je viens il y a 3 semaines de me replonger dedans et de les retravailler ou d'en garder un. Hein, voilà. Donc ça... Et sinon, il y a dans les nouveaux morceaux que tu ne connais. Alors, je ne sais pas si j'avais joué en première partie d'Andy Shaw, j'avais joué ça. Mais il y a un morceau qui doit dater de 2017. Dans les anciens nouveaux. Dans les anciens nouveaux. Après, il y en a plusieurs de cette année, ouais, de cet été en fait. À partir de cet été où j'avais recomposé. Il y en a qui ont un an aussi. Peut-être celui que je pensais jouer là, qui s'appelle Beyond You. Mm-hmm. Donc là, c'est un texte de William Merwin, encore, un poète. Oui, il me semble que c'était que la première fois. Que j'aime beaucoup et qui est parti, qui est décédé avant l'été. Donc ça c'est Beyond You, c'est une composition qui a un an maintenant. Et voilà, quand t'as posé tout ça sur un disque, voilà, j'y pense et puis j'oublie et puis. Puis j'y pense et puis c'est la fréquence du j'y pense par rapport à la fréquence du j'oublie qui fait que ça va se faire ou... Voilà, c'est ça. Il y a de quoi remplir. Oui, mais je suis en train de voir en ce moment justement. Je vais essayer d'enregistrer l'année prochaine. Et j'ai un souvenir lointain de cette période passée où tu étais venu, où il y avait un projet avec un violoncelliste. Violoncelliste, contrebassiste. Contrebassiste, pardon. Oui. Et mais j'étais venu après parce que ça, contrebassiste, oui. C'était 2013-14. D'accord. Donc déjà Flama, c'était déjà. Donc Flama, c'est 2013-14 et puis finalement ça ne s'est pas poursuivi et j'ai enregistré Flama au cours de l'année 2015. D'accord. Bon. Et donc là, le prochain album, tu disais que tu écoutais des choses sans guitare et ça nourrit ta guitare. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai des longues périodes où j'écoute quasiment pas de musique en fait. Donc là par exemple ça fait 3 mois, il y a juste là pour l'émission j'ai remis le nez dans des musiques, mais sinon pendant 3 mois je vais pas écouter de la musique. Bien sûr, si je sors volontairement tu peux passer 3 mois sans écouter de la musique volontaire, on va dire. Ouais. Ah oui, ça c'est la science-fiction totale pour moi ça. mais c'est assez fréquent en fait. La période où j'écoute de la musique sur une année, elles sont assez brèves. et intense. Je fais une espèce de d'immersion intense, mais assez brève. Voilà, ça peut être, ça va être du Neil Young pendant 3 jours. Monomaniaque de Neil Young et hop. Puis après, ça va être Skip James, ça va être un album que je vais écouter 2 fois parce que j'ai envie de réécouter je ne sais quel artiste. Puis donc ça me fait ça. Et donc pour ce qui est des musiques, alors ça fait longtemps que j'aime la musique du Rajasthan, j'aime la et donc il y a 1 an à peu près j'ai découvert la musique du Kyrgyzstan, voilà. Et que tu n'as pas amené. Que j'ai, parce que ben malheureusement, que je méconnais totalement. J'ai eu un problème, c'est que je, voilà, le disque, je l'ai sur l'ordinateur et je l'ai recherché. Impossible de le retrouver. Voilà. Ça s'appelle Tengi 2, je sais pas comment. C'est une compilation d'artistes. Et ce sont des musiques qui sont dues à des voyages que tu as fait ou pas du tout. Complètement indépendant. C'est pas un voyage, c'est pas aller là-bas, quoi. En fait, c'est la guimbarde qui m'y a amené. Voilà. Un ami m'a fait découvrir la guimbarde, donc je me suis mis à la guimbarde, et puis après je me suis intéressé aux guimbardes, et notamment les guimbardes du Kyrgyzstan. Donc après j'ai écouté des musiques du Kyrgyzstan, et il n'y a pas que de la guimbarde, il y a des chants magnifiques, et puis c'est pas tout à fait une guitare, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un petit instrument, une petite guitare à 3 cordes, je crois, qu'ils utilisent sur un rythme de cheval. Et du coup, tu aurais la curiosité de te procurer cet instrument pour essayer de... Non. Non. Non. La guimbarde, quoi, bon. La guimbarde, oui. La guimbarde, bon. La guimbarde, oui. Bon, alors, ça va être le moment peut-être du premier morceau ce soir dans The Rocks de Mathias Ten. Oui, qui n'a rien de guimbarde. J'ai hâte, rien de chevalin. Qui est très... C'est Beyond You, c'est ça? Non. Beyond You, oui. C'est ça. Qui est très quoi? Écoute, elle va pas... Bon, alors, Mathias Ten sort sa guitare, il la saisit. Le grand orchestre n'est pas venu, il est venu seul. The trowels of black honey overflow into the winter starlight, and their stars know them at last, and a taste. Thank you. standing by the last one calling you. Who are so near that I cannot believe you when I call, the calling begins beyond you. Thank you. morceau atmosphérique tiré du dernier album de Patrick Watson qui vient de sortir. Vraiment un album atmosphérique, tout est un peu comme ça, planant. Pas vraiment de structure de morceaux classiques et des choses qui se laissent aller, qui nous laissent un petit peu divaguer au fil de l'eau. Je me suis dit que ça pouvait te parler, ce genre de choses. Je connaissais pas. Oui, oui. Patrick Watson, ouais, chanteur montréal, québécois. D'accord. Qui voilà, a sorti pas mal d'albums et là c'est son dernier. Plus aventureux que jamais. Et puis juste avant, alors vous comprenez pourquoi quand Mathias m'a envoyé un petit mail en disant oui, ça sera bon, je pense, le 2 décembre pour venir dans ton émission, j'ai sautillé de joie. Vous avez pu comprendre pourquoi si vous ne connaissiez pas son art. C'était Behind You, donc tiré de son prochain album. On peut le dire comme ça. Oui. Une sorte de teasing. Voilà, et c'était vraiment magnifique. Alors le texte n'est pas de toi. Non. Et je pense que dans ce que tu composes, il y a à nouveau des textes de toi. Oui, mais de moins en moins, en fait. Ah oui ? Oui. Tu pioches ? Plus les années passent, moi j'ai envie d'écrire. Feignant. Feignant. Mais récemment, j'ai écrit un autre texte, un nouveau morceau que je ne pourrais pas jouer parce qu'il n'est pas encore tout à fait, malheureusement, prêt. Terminé. On va être obligé de revenir. Voilà. Et je sais que les thèmes qui t'animaient peut-être sont ceux qui t'animent toujours. Je sais que tu étais très épris de la cause environnementale. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça ressort toujours dans tes textes ? Oh, ça toujours plus ou moins, oui. Ouais. La question du rapport à la nature, à la terre. Ouais. Ouais. Notre rapport à la terre. Mais c'est oui, ça perspire toujours. C'est une transpiration très infime. Oui, c'est ça. Ouais. C'est voilà, on le retrouve dans... Je suis en train de regarder... On le retrouve, oui, oui, oui. J'ai un morceau qui s'appelle Humus, justement. Ouais. Qui fait référence à ça, mais qui n'est pas nécessairement une voilà. Il n'y a pas nécessairement un message écolo dedans, il n'y a pas nécessairement une description de dégradation radicale. C'est presque plus sensoriel que, voilà, que revendicatif, c'est, quoi. C'est de plus en plus vers le sensoriel. Presque chamanique, donc. Presque. Ouais, chamanique. Ouais. On est loin du chaman. Le chaman est un être très particulier qui converse avec les morts. Qui fait des voyages dont je suis incapable. Bon, et ben, peut-être la prochaine fois. Avec le temps. Avec le temps, voilà, c'est ça. Tu nous as apporté d'autres disques. Alors là, on était avec la belle voix de Patrick Watson et ta belle voix juste avant. Alors là, on met la barre un peu haut parce que quand même, des voix comme ça, il n'y en a quand même pas eu des paxons dans l'histoire. C'est Ella Fitzgerald, ouais, avec son vieux copain Louis Armstrong sur l'album Ella and Louis Again. Et un morceau de circonstances. Exactement. Pas temporel, mais géographique non, mais temporel, oui. Il y a peut-être des morceaux comme ça que j'aime bien écouter quand c'est la saison. En fait. Oui, mais moi, j'ai l'impression en fait, moi, que tu n'existes qu'au mois de novembre. Je ne te vois qu'au mois de novembre. C'est le mois de... Mais je comprends pas. C'est mon mois. Tu t'évapores, après hop, tu te reconstitues au mois de novembre. Donc, Ella Fitzgerald. Donc, alors pourquoi ce morceau ? Pourquoi Ella Fitzgerald ? C'est un peu compliqué, pourquoi Ella Fitzgerald, mais... Parce que j'ai découvert Ella Fitzgerald et Armstrong, ce duo-là, avec ce morceau-là. Je crois que ça doit venir de là. Ça doit venir de là. Une des plus belles complémentarités, quand même, qui est. Je trouve ce morceau magnifique. Ouais. Et puis ses voix sont. Il a fait le général, c'est vraiment une voix. Qui. Elle a fait voyager, quand même. Ah oui. Hein, ah oui, et puis elle a un registre assez vaste. Ouais. Et elle rend heureux. Exactement. Enfin, moi, elle me rend heureux, Ella Fitzgerald. C'est vrai. Même quand elle chante une chanson d'automne. C'est ça. Même l'automne est bien. Avec Ella. Donc voilà, donc Ella Fitzgerald. Et puis après, on va revenir à des choses un peu plus guitaristiques. Avec quelqu'un qui vient de sortir son dernier album où il a retrouvé son Crazy Horse. C'est Neil Young. Voilà, donc ça, c'est un album que je ne connais pas. Alors parle-nous un petit peu de cet album qui s'appelle. Hitchhiker. C'est une question piège parce que. Ah, tu sais pas, tu sais pas. Je sais très peu. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. D'accord. En fait, c'est un album ancien. Un cadeau qu'on m'a fait. Oui. Un beau cadeau. Un très beau cadeau. très beau cadeau d'un disque qui n'est pas sorti à l'époque où il a été enregistré, qui doit être dans les années 70. Ouais. En fait, on sent bien que c'est Neil Young des années 70. Et, c'est le meilleur, et il n'a pas dû aimer ce disque, je crois, et il est resté dans les tiroirs jusqu'à ce qu'il ressorte il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc à la réécoute. À la réécoute, c'est bien que ça sorte. Oui, il y a le très beau morceau. Chose très touchante, très fragile, comme il sait le faire. Ouais, comme il sait le faire, ouais. Voilà, c'est guitare-voix surtout, hein, les morceaux. C'est pas, on n'est pas dans Harvest, qui est un très beau disque, qui oui. m'arrive de réécouter comme ça de temps en temps. Hein. Il y a quelques morceaux guitare-voix dans Harvest. C'est vrai, oui, c'est étrange d'ailleurs, comme voilà. disque, il y a des morceaux live, il y a des morceaux. Il y a des coupures un peu cut sur des trucs un peu. Et puis, y a des, oui, c'est assez. Étrange, finalement, plus je l'écoute, plus je trouve que c'est une drôle de composition, barrer, ouais. les morceaux, et en même temps, c'est très très beau, dans le son. Dans le... C'est un album de l'empêchement, Harvest. Je crois qu'il était, il avait eu un accident, je crois, à l'époque. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais je crois qu'il enregistrait. Alors... mieux que moi. Il pouvait à peine bouger, je crois. Enfin, voilà, je crois que c'était un peu compliqué, ouais. Donc, c'est un album d'empêchement, un peu. Et du coup, je pense que les. L'ouverture et cette sorte d'envolée, ça vient peut-être de là, quoi. Ah oui, oui. Alors que là, sur l'album que tu nous proposes, il pouvait gambader. Donc, je veux dire, il n'y avait pas de, écoute, pas je de raison. Pas, de... Je ne sais pas par rapport à Harvest, quand est-ce qu'il a été. Déjà, il se promenait avec son chien sur la plage. Hein, on peut oui, voir ça sur la photo. Sur ces images. Bon, alors, je vais découvrir cet album que je ne connais pas. Je connais le morceau Pocahontas, je crois oui, qu'il l'a réenregistré. C'est un autre enregistrement. Oui. Il a repiqué un peu sur Harvest Moon, je crois. Sur l'album Harvest Moon, me semble-t-il, peut-être pas. Je suis peut-être en train de dire une énorme bêtise. Tu connais mieux la discographie de Neil Young. Non, c'est moi. Pas sûr. Ça fait le malin. Moi, je connais pas. Bon, un petit Neil Young, donc tiré des années 70, c'est pas la période que je trouve la plus infréquentable quand même. Et puis, juste avant quand même, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, mais surtout Ella Fitzgerald quand même. Morceau que je dédie à l'abeille, là, du fond de son canapé, et ça va la faire léviter normalement si tout va bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas passé du Ella Fitzgerald dans The Rocks, il a fallu que Mathias Ten revienne. Merci à toi pour ça. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York. It lifts you up when you run down. Yes, Jerry's and gay divorces. Lunch at the Ritz will tell you that life is divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again. That brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands. It's autumn in New York. Yeah. It's good to live it again. Rifle in my hand felt reassuring. shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye, never stopped to wonder why. Then I saw black and my face flash in the sky. Shelter me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. You fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her. C'était Neil Young, donc tiré de son album ressuscité Hitchhiker, on doit dire. Quand même, on va essayer de bien le dire. Voilà, j'ai voulu m'aventurer, essayer d'ouvrir le livret pour avoir un peu plus de choses. Et c'est une carte routière en fait, donc je me suis pas... vu comment je replie les cartes routières, je ne toucherai pas à ton livret. Et puis juste avant, c'était évidemment Ella Fitzgerald avec Louis Armstrong, Autumn in New York. C'était délicieux, c'est déjà Noël. Oui, c'est ça. On est toujours avec Mathias Stein qui ne va pas tarder là à nous jouer un deuxième morceau pour notre joie à tous. Il y a des concerts à venir. Bientôt, il y a des concerts passés. Des concerts passés, bientôt. Pas de concerts à venir. Non. D'accord. Et les concerts passés, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps, dans le cadre des Ramis, au Théâtre d'Orléans. Ah oui. En première partie de Madame Brigitte Fontaine. Ah oui, oh là là. Ah, j'aurais dû être là. Et alors, c'était bien? Très bien. Enfin, oui. Oui. Très heureux d'être là-bas ce soir, première partie de... Et la réaction du public? Bonne, je pense. Oui. On doit sentir ça quand même. Oui. Non, oui. J'ai eu de très bons retours. Ouais. Très bons retours. Bon. Et Brigitte Fontaine, tu l'as croisée? Croisée, non. Vu un petit peu à la fin, comme ça. Oui. Non. Bon. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour t'attraper, pour te voir en concert, faut viser quand même. T'en fais peu. Oui. Oui, puis en août, j'ai joué en Creuse. Un peu. Oui. Et faut être véhiculé. faut être véhiculé. J'ai joué au fin fond de la Creuse, mais c'était très chouette. C'était bien aussi. C'était dans le cadre de rencontres, donc il y avait pas mal de monde. C'était bien. Bon, alors c'est pour vous dire si vous êtes des privilégiés ce soir d'avoir des morceaux live de Mathias Stein, puisqu'il y en a 7 par an à peu près, donc même pas. Des concerts? Des morceaux live par an. Non, par décennie, même des concerts. Des concerts. Des concerts. Ça dépend. Il y a des bonnes années. Il y a des fulgurances. 6-7 concerts, et puis des années. Cette année, j'en ai fait 2. Ouais. Bon, bah alors là, donc on a de la chance. Et le morceau suivant, qu'est-ce que ça va être ? Le morceau suivant, ça. C'est un vieux jeune ou un jeune ? C'est un récent. Assez récent. 8 ans, quoi. Non, cette année. Ouais. Voilà. Cette année, avec un poème de Rainer Kunz, poète contemporain allemand. D'accord. En allemand ? En français. En français. Une traduction. J'ai oublié le nom de traducteur ou traductrice. Ça s'appelle Chardon argenté. Et c'est le titre que j'ai gardé pour le morceau. D'accord. En gardant l'intégralité, tu n'enlèves pas une syllabe de ce qu'il a écrit? Oui, c'est un poème très bref. Voilà. C'est un morceau de 18 minutes. À peu près. Bon, bah, je te laisse les clés. jeter d'ombre sur d'autres, être dans l'ombre des autres, une clarté. Sur ton I'm dreaming of. You are dreaming. Now something. You are my everything. I'm standing with you. You are my all. Là, des orchestrations, on en a. Hein. c'était Michael Kiwanuka tiré de son dernier album. Voilà, de plus orchestré que jamais et plus grandiloquent que jamais. Ça avait commencé avec un premier album plutôt intimiste, un deuxième vraiment magnifique. Et puis celui-là, il... voilà, on est vraiment dans les années 60-70, là, et il le fait quand même très très bien. James Bond. C'est un peu James Bond, oui. Très belle. Pas du tout. Voilà. Ouais, très belle voix, vraiment très très belle voix. Là, des fois, c'est un poil too much sur cet album, mais les arrangements, mais vraiment quand il dépouille un peu et qu'il épure un peu, c'est vraiment très très beau. Et puis juste avant, c'était Mathias Ten donc avec Charbon Argenté. Charbon. J'ai dit quoi? Charbon. Ah, j'ai dit charbon. Oui, bah, en même temps, charbon argenté. Chardon argenté, pardon. Et donc, bah voilà, j'ai reçu un SMS, super morceau, bravo à l'artiste. Donc voilà. Merci. Voilà. Donc. 100% des auditeurs sont satisfaits pour l'instant. Alors, ceux qui m'ont envoyé des SMS. est-ce que tu vas voir beaucoup de concerts? Alors, dans les moments où tu écoutes de la musique, est-ce que tu vas voir beaucoup de concerts? Non. Non. Même, non, non. C'est vrai que je vais peu dehors. Non, je rigole. J'aime pas les gens. Non, c'est vrai que je vois peu de concerts. Je sais pas. C'est, je vois pas nécessairement de d'artistes que j'ai envie d'aller voir. Voilà, je sais pas. Je suis pas toujours au courant, d'ailleurs, de ce qui passe à Orléans. Et donc, du coup, est-ce que t'es capable? Par contre, si t'as un artiste que vraiment tu aimes beaucoup, qui est rare et qui passe, t'es capable de faire des bornes pour aller le voir ou... Ça dépend. Ah, si je vais à Marseille, je vais pas y aller. Non, ça m'est arrivé d'aller à Paris pour voir Anouar Brahim, pour aller voir. Mais c'est vrai que non plus. Non, c'est vrai, c'est... J'écoute peu de musique et je vais peu dans des concerts, c'est un peu étrange. Ah, peut-être que t'as besoin d'être un peu vierge de tout ce qui se passe autour pour créer toi. Oui, peut-être. peut-être, peut-être. J'écoute, en plus, quand j'écoute de la musique, c'est rarement de la musique contemporaine. Enfin, ouais. J'ai un sentiment de pas assez connaître les bases. Et donc, j'ai plein de bases à découvrir. Bah, c'est merveilleux, ça. D'avoir plein de bases à découvrir. Dans le blues, dans certaines musiques traditionnelles, tu vois, je suis en train de découvrir des musiques, la musique celtique, des très, très, très, très, très beaux morceaux, très, très belle musique. Ben voilà, je te parlais de la musique du Kyrgyzstan, de la musique du Rajasthan, de la musique indienne. Il y a que peu de gens connaissent également. C'est. Voilà, des joueurs de oud. Toujours, c'est. Mais quand il y a quelque chose de contemporain, des musiciens contemporains qui font du guitare-chant, par exemple, je suis extrêmement difficile. Ouais, exigeant. Ouais. Très exigeant, ouais. Donc Aldous Harding, par exemple, m'a beaucoup parlé, quoi. Parce que j'ai pu entendre. Tu étais au concert ? Au concert, ouais. Impressionnant, très impressionnant sur scène. Et puis après, je préfère ce qu'elle fait en solo, par exemple, en guitare chant. Guitare voix, ouais. Ouais, j'ai pas trop écouté son dernier album. Je sais pas trop ce que ça. Ah, c'est alors ça. Plaira moins, je pense, parce que l'album précédent pour moi était un chef-d'œuvre absolu, le deuxième album, celui qu'elle a Party. Dévoilé qu'elle a dévoilé à l'Astrolabe. Le dernier est, alors on retrouve ses ambiances. Alors moi je le trouve très bien, hein, mais il est un peu plus produit, un peu plus pop, un peu plus enfin pop à la Aldous Harding. Hein. Mais souvent c'est une trajectoire assez constate, c'est-à-dire qu'une personne, un artiste commence seul à la guitare et puis deuxième album, il y a des instruments en plus, puis le troisième, ça commence à être. Enfin, il y en a plein. Tu prends Ben Howard par exemple, il commence guitare chant, puis il termine un truc. Moi, je comprends plus rien à ce qu'il fait, quoi. Pour moi, il a tout. Enfin, voilà. Alors elle, tu t'y retrouverais, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est un peu plus. Ah, il y a quelque chose dans sa voix. Et qui est pas étrangère à ce que tu fais sur scène. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de. Oui. C'est pour ça que vous êtes un. Enfin, voilà, comment dire ça. Vous êtes. On sent que vous êtes à l'intérieur de vous-même quand vous chantez. Elle a même presque des tics. Elle est très impressionnante sur scène. Et toi, t'as ça un peu. On sent que tu chantes beaucoup les yeux fermés. Et donc, on sent que tu es presque seul à ce moment-là avec ta musique. Ben, c'est pas que je veux pas voir vos têtes. C'est que je risque de me déconcentrer. Ça m'est déjà arrivé. De perdre le fil un peu. Ouais. Ouais. Ouais. De te voir jouer. Toi-même. Pas de me voir jouer, mais de éventuellement de voir des visages et de tu vois, tu commences à. Je sais pas, tu sors un peu de ta musique, sors. En fait. Et donc c'est pas bon quand tu sors de ta musique. Non, ça c'est. Donc je referme rapidement les yeux. Bon. Bah, sur Aldous Harding, on se rejoint en tout cas. Je vous conseille vraiment d'aller la voir sur scène si vous avez la chance de la voir sur scène un jour. C'est assez magnifique. Voilà. Mais je pourrais pas trop, toi. Il y a beaucoup de noms, beaucoup d'artistes qui m'arrivent d'écouter comme ça, d'essayer de découvrir, tu vois, comme John Smith par exemple en Angleterre. Et pareil, plus ça va, moins ça me convainc. Voilà. Parce que ça. Je trouve que ça perd quelque chose de. La fraîcheur, il rajoute des couches ou il. Ouais, il arrondit. Il a, oui. Ça devient un peu plus commercial entre guillemets ou ça, tu vois, ça il avait quelque chose de dans ses compositions très originales au départ et puis maintenant ça fait très chanson oui. Et il a plus de public et oui des grosses tournées et tout ça enfin. Mais c'est difficile de garder des trajectoires enfin oui. C'est compliqué oui je pense Il y en a qui se mettent à la guimbarde. Bien sûr. Mais pas à l'abri. Je me suis mis à la flûte aussi, mais je ne suis pas encore. Flûte harmonique. On n'a pas entendu la guimbarde ce soir. Ah. Il nous reste du temps. Alors, quand Mathias Stein est là, le temps est suspendu. Je regarde la pendule véridique de Radio Arc-en-Ciel. Il est 30h49. D'accord. Pas sur celle-là, mais sur celle-là, là devant moi, 30h50 à l'instant. Et puisqu'on parle de concert, alors là, je vais faire une petite aparté, on reviendra ensuite, ça sera peut-être le moment d'ailleurs du troisième morceau. Y a un concert, peut-être, qu'il va falloir pas louper. Ils ne sont pas venus jouer à Paris depuis bientôt 15 ans. Alors ben voilà, merci à Xav qui m'a annoncé ça dans l'après-midi. J'ai reçu un petit SMS. Ce sera le 19 juillet, ce sera à Paris. Alors c'est dans un gros festival, Lollapalooza ou je sais plus comment. Voilà, c'est au Hippodrome d'Auteuil, je crois. Le 19 juillet. La dernière fois qu'ils avaient joué à Paris, c'était à Bercy. J'y étais. 15 ans sans jouer en France, et donc ils reviennent le 19 juillet, et la dernière fois qu'ils avaient joué à Paris, le dernier morceau qu'ils avaient joué sur scène, c'était celui-là. J'en connais certains ou certaines qui vont faire des petits bons à l'écoute de ceci. Donc notez bien sur vos tablettes, je désannonce juste derrière, 19 juillet à Paris. Once a song. À l'instant, donc, c'était Pearl Jam. Bah oui, Pearl Jam, pour les, voilà, les gros fans comme je suis, eh bien, ils avaient snobé la France. Ils avaient joué au Main Square Festival il y a quelques années, mais ils avaient snobé la France pour toute leur tournée précédente. Eh bien, ils reviennent. Alors, je n'ose regarder l'œil goguenard de Mathias Ten. Mais voilà. voilà. Donc, pour les fans de Pearl Jam, dont je suis, là, c'est quand même un sacré événement. Alors, bon, c'est un festival où il va sûrement falloir se fader ce qu'il y a avant et ce qui est peut-être pas très bien. Mais en tout cas, ça sera le 19 juillet. Ce sera à Paris. Et voilà. Normalement, je suis à Marseille, moi, cette période-là. Ah bon. il va falloir jouer serré, les amis. Un bail qui joue, hein, Pearl Jam, dis donc. Ouais, ouais, ça fait un bail qu'ils jouent. Alors, il fait longtemps qu'ils ont rien fait. En fait, Eddie Vedder, le chanteur, a fait beaucoup de tournées tout seul au ukulélé. Ouais. Et puis, ouais, ouais. Un album entier ukulélé. Ouais, et puis bah voilà, ils reviennent avec un nouvel album. Je crois qu'on peut télécharger aussi tous les morceaux. Ils ont fait des morceaux de Noël régulièrement, on peut les télécharger là maintenant, je crois que c'est dispo. Et puis il y a un nouvel album qui arrive en 2020. Voilà, c'est la bonne nouvelle pour les fans de Pearl Jam. Alors, il est 30h57 ou 21h12 dans notre dimension. Et bah, je crois que si tu veux jouer un dernier morceau ce soir, Mathias, ça va être maintenant, je crois. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors, que vas-tu nous jouer? An Afternoon Suspended in the Air, donc un beau titre. Titre d'un poème de Edith Schiffert. Ah oui, t'as encore rien fichu sur ce coup. J'ai encore rien fichu sur la musique. Bon, et là, c'est un nouveau morceau aussi. Oui. D'accord. Tout nouveau. Guimbarde? Pas de Guimbarde. Je l'ai amené, mais écoute, s'il y a encore quelques minutes, t'as devant. Peut-être. Ah, eh oui. C'est parti. Drift below the summer clouds, having no destination but ourselves. Back to the blue from the eastern cumulus, and on to more torn and spread out shreds of white. Days end, where blackness hangs waiting, then we go indoors. Thank you. It's almost morning. Why am I still up? Cigarette burning in an empty cup. Angel of mercy, ever hear me? Outside the raindrops in the gutter drumming, but will they ever reach the ocean? Angel of mercy, you promised to take me. In the dead of the night, I need to believe, when it's harder to stay, that it is to leave. Sister love, let me see across the waves, hear my plea. Angel of mercy, don't ever forget. If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasures money cannot buy. For you know I see you everywhere, a servant girl and an empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall, deep in. And if we rise, my love, before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. Not alone, it seems. So many riders in the sky, winds of longing in their sails, searching for the other side. And if we rise, my love, oh, my darling, precious one, we'll stand and watch the galleon ships circle around the morning sun. Lorsque Mathias Sten en face de moi fait signe que peut-être il apprécie un morceau, je peux vous dire que je suis content. J'ai réussi mon coup. C'était Nick Cave à l'instant, tiré de son dernier album. Voilà, comme je te disais hors antenne, c'est un album assez émouvant et assez poignant et très très prenant. Voilà, je sais pas. Alors, lui, j'ai jamais vu sur scène et j'aurais bien aimé le voir sur scène. Lui, apparemment, c'est quelque chose. Voilà. J'ai pas vu non plus. Ouais. Mais bon, là, c'est une voix, hein. Ah, sacrée très, voix. Très belle voix. Et puis juste avant, Pierce Faccini, tiré de son dernier EP, pardon, avec Angel of Mercy. Voilà, une des plus belles voix aussi, à mon avis, qu'il soit. Très arrangé, le dernier EP. Enfin, très arrangé. Beaucoup de luxuriant, beaucoup de choses. Mm-hmm. Alors que d'habitude, c'est plutôt lui aussi grand fan de Skip James devant l'éternel. Je t'invite et je vous invite à aller réécouter l'interview qu'il m'avait accordée sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Je vous déroule un peu. Et c'est vraiment un grand, grand moment. Grand moment. Et, voilà. Près de l'os aussi, là. C'était très intéressant. Bon, alors, Mathias, il est 21h25, ce qui veut dire qu'il nous reste 5 minutes. Donc, soit 5 minutes de Guimbard, ce qui est possible. Non. Après Nick Cave, la Guimbard. Tout est possible dans cette émission. Ou alors, voilà, tu as apporté d'autres disques. Ça peut être un extrait d'un album que tu as apporté. Ou ça peut être un extrait d'un de tes albums, parce que j'ai les trois, là, sous la main. Que choisis-tu pour les 5 dernières minutes? C'est toi qui... Écoute, je peux faire un peu de Guimbard. Ah oui, moi j'aimerais bien. Bon, ça fera pas 5 minutes. Non, mais j'aimerais bien quand même. Alors, essayons. Et si on va essayer de se détacher de Nick Cave ou le partir de Nick Cave, ou je sais pas. Oui. Oh. Merci beaucoup. Bravo, ouais, merci beaucoup. Là, pour quelqu'un qui voyage pas plus loin qu'Orléans, ou qui va pas à Marseille voir des concerts, là, tu nous as emmené un peu loin, là. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu ce soir. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir. Ouais, bah, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Donc, tu reviens quand tu veux, c'est-à-dire en novembre. Et puis, n'hésite pas à donner tes nouvelles discographiques ou même concerts, quoi que ce soit. Je sais que la promo, tu y vas tranquillou. Voilà, mais voilà, c'est un vrai plaisir et moi, je ferai un plaisir de rediffuser les morceaux que tu as joués ce soir. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Rémi et la rédac du sport. Rendez-vous la semaine prochaine avec Sylvain Trémaux pour une battle qui sera sur le thème des tripes. Jouer avec ses tripes, ou chanter avec ses tripes, ou les tripes sur la table. Je sais pas. Enfin, il y a tripes dans la battle. Et puis dans 15 jours, ce sera Adam Wood qui viendra ici même jouer comme tu l'as fait ce soir. Je vous laisse avec un extrait du dernier album de Wilco. Ça s'appelle Un Empty Corner. Ça pourrait te plaire aussi. Ça, c'est le dernier Wilco est assez dépouillé comme ça et assez. Parfois un petit peu déroutant. Je vous laisse avec ce Wilco. Rendez-vous la semaine prochaine dans The Rocks, 19h30, 21h30. Et toute l'émission de Mathias Sten est à retrouver, dès mercredi, on va dire, sur ontherocks.net. Et là, vous pourrez l'écouter toute votre vie. Il y a même les anciennes, hein, donc d'il y a novembre 2018, novembre 2004, novembre 1932. Toutes elles sont toutes sur le site. Je vous laisse avec Rémi. Ciao, à la semaine prochaine. Merci Mathias. Merci. Tiny lines of cocaine left on a copy machine in an empty corner of a dream. My sleep could not complete. The sirens and the birds, you and I are too far apart, and my eyes need a shave. What else can go wrong now that got family out there? The silver black booth, it cracked my front tooth. A new kind of truth. I'm getting used to. Down, whipping sparks around. like angels touching down. Don't believe, you don't care.